Un soir de tempête, Jane reçoit la visite de Saint John qui lui annonce que Mr. Briggs, un avoué de Londres, est à la recherche d'une dénommée Jane Eyre qui doit hériter de la fortune de son oncle John Eyre. Jane dévoile alors sa véritable identité et découvre par la même occasion qu'elle n'est autre que la cousine des Rivers. Elle décide de partager son héritage avec eux. Elle se rapproche alors de Saint John qui la presse de l'épouser et de partir avec lui en Orient où il veut devenir missionnaire. Perdue, en proie à des sentiments contradictoires, elle en appelle au ciel. Et c'est la voix de Mr. Rochester qu'elle entend alors, criant son nom à travers les nuées. Jane n'hésite plus, le cœur battant, elle reprend la route de Thornfield. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. 10e et dernier épisode. Mon voyage était terminé. Je descendis de la voiture et ayant remis ma malle à l'aubergiste et payé le cocher, je me mis en route. Sur l'enseigne de l'auberge, je pus lire en lettres d'or les armes de Rochester. Mon cœur bondit. J'étais déjà sur les terres de mon maître. Comme je marchais vite. Comme je courais parfois. Avec quel bonheur je saluais les premiers arbres et les paysages familiers de prairies et de collines. Enfin, les bois apparurent et un croassement rompit le silence matinal. Une joie singulière me possédait. Je me hâtais toujours plus. Un autre champ, puis un sentier. Et ce seraient les murs de la cour, les dépendances et la maison. J'avançais la tête avec précaution, désireuse de m'assurer que personne ne se trouvait aux fenêtres. J'attendais la vue d'une demeure imposante et je vis une ruine noircie. Inutile, en vérité, d'imaginer entendre un pas sur le gravier. La cour, les gazons étaient piétinés, le portail bâillé. La façade, telle que je l'avais vue une fois en rêve, n'était plus qu'un mur très haut et très fragile, percé de fenêtres sans vitres, sans toit, sans rempart, sans cheminée. Tout avait été englouti. Et c'était un silence de mort qui régnait, la solitude d'un désert. Rien d'étonnant à ce que mes lettres n'aient pas reçu de réponse. La sinistre noirceur des pierres disait par quel fléau le château était tombé. Mais comment le feu s'était-il déclenché? Quelle était l'histoire de ce désastre? Y avait-il eu mort d'homme? Et dans ce cas, qui donc avait été frappé? Terrible question à laquelle personne ici ne pouvait me répondre, même par un signe muet. Je retournais donc à l'auberge. Et voici votre chambre. C'est parfait, merci. Dites-moi, vous connaissez Thornfield Hall, bien entendu? Oui, j'y ai demeuré à une époque. J'étais le maître d'hôtel du défunt Mr. Rochester. Défunt? Mais est-il mort? Je veux dire, le père de Mr. Edward Rochester. Ah! Et savez-vous ce qui est arrivé à Thornfield Hall? Ce fut un grand malheur. Le feu a éclaté au milieu de la nuit et, avant que les pompes n'aient eu le temps d'arriver de mille côtes, le bâtiment était embrasé. C'était un spectacle terrifiant. J'ai tout vu. Au cœur de la nuit. Oui, ça a toujours été l'heure de la fatalité à Thornfield. A-t-on su comment le feu s'est déclaré? On a deviné, madame. Vous ignorez peut-être qu'il y avait une dame au château. Une folle qu'on gardait. Elle a échappé à la garde de Mrs. Poole et elle a mis le feu aux tentures de la chambre voisine, puis à l'étage du dessous, au lit de la chambre qui avait été celle de la gouvernante. Heureusement, il n'y avait personne. La gouvernante s'était sauvée 2 mois auparavant, et malgré toutes ses recherches, Mr. Rochester n'avait pas pu la retrouver. Il en était devenu fou. Je crois qu'il était vraiment amoureux d'elle, car il n'avait jamais été violent. Mais après l'avoir perdue, il est devenu dangereux. Il voulut rester seul et renvoya Mrs. Fairfax, la femme de charge. Mais il le fit avec générosité, en lui faisant une rente viagère, qu'elle méritait bien d'ailleurs, car c'est une bonne personne. Et Miss Adèle, sa pupille, fut envoyée en pension. Il rompit avec toutes ses relations et s'enferma au château comme un ermite. Il n'a pas quitté l'Angleterre ? Quitté l'Angleterre ? Le ciel vous bénisse, non pas. Il ne voulut plus passer le seuil de la maison, excepté la nuit, où il parcourait le jardin, comme s'il avait perdu la tête. Je le connaissais depuis l'enfance, et pour ma part, j'ai souvent désiré que cette Miss R fût tombée à la mer avant de venir à Sandfield Hall. Alors Mr. Rochester était dans la maison quand le feu a éclaté ? Oui, et il monta au grenier, fit sortir les domestiques de leur lit et les aida à descendre. Après quoi, il retourna chercher la folle qui était sur le toit. Nous vîmes alors Mr. Rochester s'approcher d'elle en criant « Bertha !» Et puis, madame, elle a jeté un hurlement et elle a sauté. On l'a trouvée brisée sur le pavé. Oh, grand Dieu ! Vous pouvez le dire, madame, c'était horrible. Et après ? Eh bien, madame, après, la maison a brûlé jusque dans ses fondations. Il ne reste plus que quelques pans de mur. Y a-t-il eu d'autres morts à déplorer ? Non, mais cela eût peut-être mieux valu. Pauvre Mr. Edward. Quoi ? Où est-il ? En Angleterre ? Oui, il est en Angleterre. Je crois bien qu'il ne peut plus quitter le pays. C'est une ruine maintenant. Il est complètement aveugle. Oui, Mr. Edward est aveugle. Par dévouement, madame. Il n'a voulu quitter le château qu'en dernier, et lorsqu'enfin il a descendu le grand escalier, il y a eu un grand craquement, et tout est tombé. On l'a retiré de dessous les ruines, vivant, mais terriblement blessé. Il avait un œil arraché et une main si écrasée que Mr. Cartel, le chirurgien, a dû l'amputer sur le champ. L'autre œil s'est enflammé et il a complètement perdu la vue. Il est maintenant bien dépendant, aveugle et manchot. Où habite-t-il ? À Ferndean, un manoir dans une ferme qu'il possède à 30 miles d'ici. Possédez-vous des voitures ? Oui, nous en avons une, madame. Qu'on la prépare immédiatement. Et si on peut me conduire à Ferndean avant la nuit, je vous donnerai le double de ce que vous demandez à l'ordinaire. Bien, madame. Bonjour Léa. Comment allez-vous ? Est-ce bien vous, Miss Jane ? Ici, à cette heure-ci ? Oui. Lorsque vous entrerez, avertissez votre maître qu'une personne désire lui parler. Mais ne donnez pas mon nom. Je ne crois pas qu'il vous reçoive. Il renvoie tout le monde. Donnez-moi le plateau. Je le lui porterai à votre place. Où est-il ? Dans le salon. Là, couchez, pilote. Donnez-moi de l'eau, Léa. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout doux, pilote. Qui est-ce ? Répondez. Parlez encore. Voulez-vous encore un peu d'eau, monsieur ? J'en ai renversé la moitié. Oh, grand Dieu ! Est-ce une illusion ? Quelle douce folie ! Ce n'est pas une illusion, monsieur. Si petit, si fin. Est-ce Jane? Elle est là tout entière. Je vous ai trouvée. Je reviens à vous. Ma Jane, vivante. Vous me touchez, monsieur. Vous me tenez dans vos bras. Oh, ma vivante petite chérie. C'est vous, certainement. Mais je ne peux pas recevoir cette bénédiction après tous mes malheurs. C'est un rêve. Un de ces rêves que j'ai la nuit. Alors que je la serre encore une fois sur mon cœur, en sentant qu'elle m'aime et ne veut pas me quitter. Rêve délicieux qui te pelotonne entre mes bras. Tu t'envoleras aussi. Mais donne-moi un baiser avant de me quitter. Embrasse-moi, Jane. Voilà, monsieur. Et voilà. Vous n'êtes pas morte dans quelque fossé, noyée dans quelque ruisseau. Vous n'êtes pas devenue esclave. Non, monsieur. Je suis une femme indépendante à présent. Indépendante? Que voulez-vous dire, Jane? Mon oncle de Madère est mort et m'a laissé 5000 livres. Oh! Voilà qui est pratique et réel. Quoi, Janet, une femme indépendante, une femme riche? Très riche, monsieur. Et si vous ne voulez pas me laisser demeurer avec vous, je peux bâtir une maison juste à côté, et vous viendrez chez moi les soirs où vous aurez le désir d'un peu de compagnie. Mais puisque vous êtes riche, Jane, vous avez sans doute des amis qui vous chercheront et qui ne permettront pas que vous consacriez votre vie à un aveugle misanthrope comme moi. Je vous ai dit que j'étais indépendante, monsieur. Et vous voulez rester avec moi? Certes. À moins que vous n'y voyiez une objection. Quittez cet air mélancolique, mon maître bien-aimé. Vous ne serez pas abandonné tant que je vivrai. Je vous ai touché. Je vous ai entendu. J'ai senti le réconfort de votre présence, la douceur de vos consolations. Je ne puis renoncer à ces joies. Il ne me reste pas grand-chose. Je vous veux. Le monde peut rire. Il peut me trouver absurde, égoïste. Cela ne signifie rien. Mon âme elle-même a soif de vous. Il faut la satisfaire, ou elle se vengera mortellement sur sa partie matérielle. Eh bien, monsieur, je resterai avec vous. Je suppose que je ne devrais entretenir à votre égard que des sentiments paternels à présent. Qu'en pensez-vous? Allons, dites-moi. Je pense ce que vous voulez, monsieur. Je serai satisfaite de n'être que votre infirmière si c'est ce que vous préférez. Mais vous ne pouvez pas toujours rester une infirmière, Janet. Vous êtes jeune. Vous vous marierez un jour. Je ne tiens pas à me marier. Il faut y tenir. Si j'étais ce que j'ai été, je tâcherais de vous y faire tenir. Mais une masse aveugle... Il est grand temps qu'on entreprenne de vous humaniser. Vous voilà transformé en lion, ou quelque chose d'approchant. Vos cheveux me rappellent les plumes des aigles. Mais je n'ai pas encore remarqué si vos ongles ont poussé comme les serres des oiseaux de proie. Regardez. De ce côté, il n'y a plus ni mains ni ongles. C'est un triste spectacle, ne trouvez-vous pas, Jane? Le pire de tout, c'est qu'on court le risque de trop vous aimer pour tout cela. Et de vous rendre vaniteux. Je croyais que cela vous révolterait, Jane, de voir mon bras et mon visage défigurés. Vraiment, à croire que vous me connaissez mal. Oh, Jane. Ce que j'ai éprouvé lorsque j'appris que vous aviez fui Sandfield et que je ne pus retrouver votre trace... Vous n'aviez pas pris d'argent, ni rien qui pût servir à vous en procurer. Un collier de perles que je vous avais donné était resté dans son écrin, vos malles cordées et fermées, telles qu'on les avait préparées pour notre voyage de noces. Que pouvait faire ma bien-aimée, privée de tout? Que fîtes-vous? Je veux le savoir à présent. Je suis arrivée chez un pasteur, Saint John, et ses deux sœurs, Mary et Diane. Je me mis en devoir de lui narrer comment j'avais été recueillie à Moorhouse, comment j'avais obtenu le poste de maîtresse d'école à Morton, ma subite fortune, la découverte de mes liens de parenté, l'apprentissage de l'Hindoustan. Et bien entendu, le nom de Saint John revint régulièrement au cours de mon récit, ce qui n'échappa pas à Mr. Rochester. Ce Saint John est donc votre cousin ? Oui. Vous avez parlé de lui bien souvent. Vous plaisait-il ? C'est un homme excellent, monsieur, qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. Un homme excellent ? Est-ce que cela signifie un homme respectable d'une cinquantaine d'années, ou quoi ? Saint John n'a que 29 ans, monsieur. Jeune encore, comme disent les Français. Est-ce un petit homme flegmatique et laid ? C'est un homme infatigable. Une force de la nature qui ne vit que pour accomplir de grandes et nobles tâches. Mais son cerveau ? Son cerveau est de premier ordre, je crois. Peut-être pas très sensible, mais très vigoureux. Saint John est un universitaire accompli. Et son aspect ? Une sorte de prêtre mal dégrossi, à demi étranglé par sa cravate blanche et grimpé sur des semelles bien épaisses, hein ? Saint John s'habille avec goût. Il est beau, grand, blond aux yeux bleus. Le diable l'emporte. Vous plaisait-il, Jane ? Oui, monsieur. Mais vous m'avez déjà posé cette question ? L'image que vous venez de peindre suggère un contraste par trop surprenant. Vos paroles ont très joliment évoqué un bel Apollon, et vos yeux reposent maintenant sur un Vulcain, un véritable forgeron, brun, large, aveugle et manchot par-dessus le marché. Je n'y avais pas pensé, mais vous ressemblez très certainement à Vulcain, monsieur. Eh bien, vous pouvez me laisser, madame. Mais auparavant, veuillez répondre à une question. Saint John voulait-il vous épouser ? Il me l'a demandé. Non. Jusqu'à cet instant, j'ai cru que vous étiez avec moi, que vous m'aimiez en me quittant. Et malgré la durée de cette séparation, je n'ai jamais cru que, pendant que je vous pleurais, vous en aimiez un autre. Saint John n'est pas mon mari et ne le sera jamais. Il ne voulait m'épouser que parce qu'il pensait que je ferais une femme de missionnaire correcte, un bon soldat. Il n'est pas comme vous, monsieur. Je ne suis pas heureuse à ses côtés. Il n'a pas d'indulgence, pas de tendresse. Il est grand et froid comme un iceberg. Tout mon cœur est à vous, monsieur. Il vous appartient. Et c'est avec vous qu'il resterait quand bien même nous serions séparés à jamais. Oh, ma vue perdue. Ma force diminuée. Je ne vaux pas mieux que le vieux châtaignier foudroyé du verger de Sandfield. Quel droit aurais-je de prier une fleur de recouvrir mes ruines de sa fraîcheur ? Vous n'êtes pas une ruine, monsieur. Ni un arbre foudroyé. Les plantes pousseront autour de vos racines, que vous le vouliez ou non, parce qu'elles se réjouissent de votre ombre généreuse. Jane, voulez-vous m'épouser ? Oui, monsieur. Épouser un pauvre aveugle qu'il faudra conduire par la main ? Oui, monsieur. Un estropié de 20 ans plus âgé que vous ? Oui, monsieur. Vraiment, Jane ? Vraiment, monsieur. Oh, ma bien-aimée. Que Dieu vous bénisse et vous récompense. Vous me prenez pour un être irréligieux, mais sachez que mon cœur est gonflé de gratitude envers Dieu. Il y a quelques jours, j'ai commencé à prier. De brèves prières, mais très sincères. Lundi soir, avant d'aller me coucher, j'ai demandé à Dieu si je n'avais pas été assez longuement affligé, et si je ne pourrais point retrouver enfin le bonheur et la paix. Je te désirais, Janet. Oh, comme je te désirais. Que je méritasse tout ce qui m'était arrivé, je le reconnaissais. Mais je suppliais de ne plus être appelé à supporter encore ces épreuves. Et ton nom s'est échappé de mes lèvres. Jane. Jane. Jane. Avez-vous dit ces mots à haute voix ? Oui. Si l'on m'avait entendu, on m'aurait pris pour un fou. Lundi soir, vers minuit ? Oui. Mais l'heure importe peu. C'est ce qui suit qui est étrange. Vous allez me croire superstitieux. Et pourtant, comme je m'écriais « Jane, Jane, Jane », une voix répliqua « Je viens. » « Je viens. » « Attendez-moi. » « Attendez-moi. Oh, je viens. » Et un instant après, les mots suivants arrivèrent. « Où êtes-vous ? » Je crois qu'en esprit, nous nous sommes rencontrés, Jane. Vous étiez sans doute plongée alors dans un sommeil profond. Mais votre esprit a dû s'échapper pour visiter le mien, car c'était votre voix qui parlait. Cela, j'en suis certain. Oui, je remercie Dieu. Je l'épousai. Ce fut un mariage tranquille auquel ne prirent part que lui, moi, le pasteur et son clerc. Bien entendu, j'écrivis immédiatement à Moorhouse et à Cambridge pour leur dire ce que j'avais fait. Diana et Mary m'approuvèrent sans réserve et ne tardèrent pas à venir nous voir. Comment Saint John prit la chose, je l'ignore. Il ne répondit jamais à ma lettre. Cependant, il m'écrivit 6 mois plus tard. Sa lettre était calme et pleine de bonté, quoique très sérieuse. Depuis, il entretient avec moi une correspondance régulière, espérant, dit-il, que je suis heureuse et que je ne fais pas partie des gens qui vivent sans Dieu dans le monde. J'obtins de Mr. Rochester la permission d'aller voir Adèle, dans la pension où il l'avait mise. La joie qu'elle laissa éclater en me voyant me toucha profondément. Elle ne paraissait pas heureuse, et trouvant les règles de l'établissement trop strictes pour un enfant de son âge, je la ramenai avec moi, projetant de redevenir son institutrice. En grandissant, Adèle me fut d'une compagnie agréable et devint une jeune fille sérieuse et de bon caractère. Mr. Rochester est resté aveugle les 2 premières années de notre union. J'étais alors sa vue, je suis encore son bras droit. Au fur et à mesure, il lui sembla que l'obscurité diminuait. Nous allâmes à Londres consulter un éminent médecin et après une opération, mon mari recouvra la vue. Lorsqu'on lui mit son premier nez dans les bras, il put voir que l'enfant avait hérité de ses yeux, grands, noirs et brillants. Mon histoire touche à sa fin. Voici 10 ans que je suis mariée et je sais ce que c'est que de vivre entièrement pour et avec ce que j'aime le mieux au monde. Je m'estime bénie au-delà de ce que le langage peut exprimer, parce que je suis la vie de mon mari tout autant qu'il est la mienne. Être ensemble, c'est pour chacun de nous être aussi libre que dans la solitude, aussi gai qu'en compagnie. Nous sommes heureux, Édouard et moi, et cela d'autant plus que ceux que nous aimons le sont aussi. Diana et Mary Rivers sont toutes deux mariées à des hommes respectables et aimants. Quant à Saint John, il est parti aux Indes. Et ferme, fidèle et dévoué, il a continué son combat. Il a jusqu'ici suffi à sa tâche, mais sa tâche approche de sa fin, et sa glorieuse étoile se hâte vers l'horizon. Aucune crainte n'obscurcira la dernière heure de Saint John. Ses paroles en sont un témoignage. Mon maître m'a averti. Chaque jour, il me le fait savoir plus nettement. Je viens bientôt. Et d'heure en heure, je réponds avec plus d'ardeur. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. 10e et dernier épisode. Avec Julie-Marie Parmentier, Jane, Eric Herson-Macarel, Mr. Rochester, Jean-Claude Sachaud, l'hôte, Sarah Caponi, Léa, et les voix de Sophie Doll et Manon Jusforme. Bruitage, Patrick Martinache, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Musique originale, Denis Chouillet. Musicien, Théo Secaldi, Anne Lepape, Séverine Morfin, Sabine Ballas. Équipe de réalisation, Claude Niort, Manon Houssin, Vivien Demeyer, Juliette Eman.